Ah, mon cher fils, quelle épouvantable catastrophe! Je sors de chez son éminence, elle est dans les larmes. C'est horrible, horrible! Il s'assit sur un des sièges en invitant le prêtre à se rasseoir lui-même, et il resta silencieux un moment, là d'émotion sans doute, ayant besoin de ces quelques minutes de repos, sous le poids des réflexions qui assombrissaient visiblement son clair visage. Puis, d'un geste, il parut vouloir écarter cette ombre. Il retrouva son aimable obligeance. « Eh bien, mon cher fils, vous avez vu sa sainteté ?»« Oui, monseigneur, hier soir, et je vous remercie de la grande bonté que vous avez mise à satisfaire mon désir. » Nanni le regardait fixement, tandis que le sourire invincible remontait à ses lèvres. « Vous me remerciez, je vois bien que vous avez été sage en faisant votre soumission entière aux pieds de sa sainteté. J'en étais certain, je n'attendais pas moins de votre belle intelligence. Mais vous me rendez tout de même très heureux, car je suis ravi de constater que je ne m'étais pas trompé sur votre compte. » Il s'abandonnait, il ajouta. Jamais je n'ai discuté avec vous. À quoi bon, puisque les faits étaient là pour vous convaincre. Et maintenant que vous avez retiré votre livre, toute discussion serait plus inutile encore. Pourtant, réfléchissez donc que s'il était en votre puissance de ramener l'Église à ses débuts, à cette communauté chrétienne dont vous avez tracé une si délicieuse peinture, l'Église ne pourrait qu'évoluer de nouveau dans la voie où Dieu l'a une première fois conduite. De sorte que, au bout du même nombre de siècles, elle se retrouverait exactement où elle en est aujourd'hui. Non, Dieu a bien fait ce qu'il faisait. L'Église telle qu'elle est doit gouverner le monde tel qu'il est. C'est à elle seule de savoir comment elle finira par établir solidement son règne ici-bas. Et voilà pourquoi votre attaque contre le pouvoir temporel était une faute impardonnable, un crime, car en dépossédant la papauté de son domaine, vous la livrez à la merci des peuples. Votre religion nouvelle n'est que l'écroulement final de toute religion, l'anarchie morale, la liberté du schisme. En un mot, la destruction de l'édifice divin. Ce catholicisme séculaire, si prodigieux de sagesse et de solidité, qui a suffi au salut des hommes jusqu'ici, qui peut seul les sauver demain et toujours. Pierre le sentit sincère, pieux, d'une foi vraiment inébranlable, aimant l'Église en fils reconnaissant, convaincu qu'elle était la plus belle, la seule des organisations sociales capable de rendre l'humanité heureuse. Et s'il entendait gouverner le monde, c'était sans doute pour la joie dominatrice de le gouverner, mais aussi dans la certitude que personne ne le gouvernerait mieux que lui. Oh, certainement, on peut discuter sur les moyens, et je les veux affables pour mon compte, aussi humains qu'il se pourra. Tout de conciliation, avec le siècle qui paraît nous échapper justement parce qu'il y a un simple malentendu entre lui et nous. Mais nous le ramènerons, j'en suis sûr. Et voilà pourquoi, mon cher fils, je suis si content de vous voir rentrer au bercail, pensant comme nous, prêt à lutter avec nous, n'est-ce pas ? Le prêtre retrouvait là tous les arguments de Léon XIII lui-même. Voulant éviter de répondre directement, désormais sans colère, mais sentant toujours la plaie vive de son rêve arraché, il s'inclina de nouveau, ralentissant la voix pour en cacher l'amer tremblement. « Je vous dis encore, monseigneur, combien je vous remercie de m'avoir opéré de mes vaines illusions, d'une main si habile de parfait chirurgien. Demain, quand je ne souffrirai plus, je vous en garderai une éternelle gratitude. » Monsignor Enani continuait à le regarder avec son sourire. Il entendait bien que ce jeune prêtre restait à l'écart, était une force vive perdue pour l'Église. Que ferait-il le lendemain? Quelque autre sottise, sans doute. Mais le prélat devait se contenter de l'avoir aidé à réparer la première, ne pouvant prévoir l'avenir. Et il eut un joli geste, comme pour dire que chaque jour suffisait à sa tâche. « Me permettez-vous de conclure, mon cher fils ? » dit-il enfin. « Soyez sage, votre bonheur de prêtre et d'homme est dans l'humilité. Vous serez affreusement malheureux si vous employez contre Dieu l'admirable intelligence que Dieu vous a donnée. » Puis, d'un geste encore, il écarta toute cette affaire, bien finie, dont il n'y avait plus à s'occuper. Et l'autre affaire revint l'assombrir, celle qui s'achevait, elle aussi, mais si tragiquement, par la mort foudroyante de ses deux enfants endormis là, dans la salle voisine. « Ah ! » reprit-il. « Cette pauvre princesse, ce pauvre cardinal, ils m'ont bouleversé le cœur. Jamais catastrophe ne s'est abattue plus cruellement sur une maison. Non, non, c'est trop. Le malheur va trop loin. L'âme en est révoltée. » Mais à ce moment, un bruit de voix vint de la seconde antichambre, et Pierre eut la surprise de voir passer le cardinal Sanguinetti que l'abbé Paparelli amenait avec un redoublement d'obséquiosité. « Si votre éminence a l'extrême bonté de me suivre, je vais la conduire moi-même. »« Oui, je suis arrivé hier soir de Frascati, et quand j'ai su la triste nouvelle, j'ai voulu tout de suite apporter mes regrets et mes consolations. »« Que votre éminence daigne s'arrêter un instant près des corps, et je la conduirai ensuite à son éminence. » »« C'est cela. Je désire qu'on sache bien la part immense que je prends au deuil qui frappe cette illustre maison. » Il disparut dans la salle du trône, et Pierre resta béant de cette tranquille audace. Il ne l'accusait certainement pas de complicité directe avec Santo Bono. Il n'osait mesurer jusqu'où pouvait aller sa complicité morale. Mais, à le voir passer de la sorte, le front si haut, la parole si nette, il avait eu la conviction brusque, certaine, qu'il savait. Comment? Par qui? Il n'aurait pu le dire. Sans doute, comme les crimes se savent, dans ces dessous ténébreux, entre gens intéressés à savoir. Et il demeurait glacé de la façon hautaine dont cet homme se présentait. Pour arrêter les soupçons, peut-être, pour faire sûrement un acte de bonne politique, en donnant à son rival un public témoignage d'estime et de tendresse. Le cardinal, ici! Ne put-il s'empêcher de murmurer. Monsignor Enani, qui suivait l'ombre des pensées de Pierre dans ses yeux d'enfance, où tout se lisait, affecta de se tromper sur le sens de cette exclamation. « Oui, j'avais appris, en effet, qu'il était rentré à Rome depuis hier soir. Il a tenu à ne pas s'absenter davantage, le Saint-Père allant mieux et pouvant avoir besoin de lui. » Bien que cela fût dit d'un air d'innocence parfaite, Pierre ne s'y méprit pas un instant. Et, à son tour, ayant regardé le prélat, il fut convaincu que lui aussi savait. Tout d'un coup, l'affaire lui apparaissait dans sa complication terrible, dans la férocité que lui avait donnée le destin. Nani, ancien familier du palais Boccanera, n'était point sans cœur, aimait sûrement Benedetta d'une affection charmée par tant de beauté et de grâce. On pouvait expliquer ainsi la façon victorieuse dont il avait fini par faire prononcer l'annulation du mariage. Mais, à entendre Don Vigilio, ce divorce obtenu à prix d'argent et sous la pression des influences les plus notoires, était simplement un scandale, traîné d'abord par lui en longueur, précipité ensuite vers une solution retentissante, dans l'unique but de déconsidérer le cardinal et de l'écarter de la tiare à la veille du conclave que tout le monde croyait prochain. Et d'ailleurs, il semblait hors de doute que le cardinal, intransigeant, sans diplomatie aucune, ne pouvait être le candidat de Nanny, si souple, si désireux d'entente universelle. De sorte que le long travail de ce dernier dans cette maison, tout en aidant au bonheur de la chère contessina, n'avait pu être que la destruction lente, ininterrompue, de la brûlante ambition de la sœur et du frère, ce troisième pape triomphal que leur antique famille devait donner à l'Église. Seulement, s'il avait toujours voulu cela, s'il avait même un instant combattu pour le cardinal Sanguinetti, mettant en lui son espoir, jamais il ne s'était imaginé qu'on irait jusqu'au crime, à cette abomination imbécile d'un poison qui se trompait d'adresse et frappait des innocents. Non, non, comme il le disait, c'était trop. L'âme en était révoltée. Il se servait d'armes plus douces. Une telle brutalité le répugnait, l'indignait. Et son visage, si rose et si soigné, gardait encore la gravité de sa révolte, devant le cardinal en larmes et ses deux tristes amants foudroyés à sa place. Pierre, croyant que le cardinal Sanguinetti était toujours le candidat secret du prélat, restait quand même tourmenté par l'idée de savoir jusqu'où allait la complicité morale de ce dernier dans l'exécrable aventure. Il reprit la conversation. « On dit sa sainteté fâchée avec son éminence, le cardinal Sanguinetti. Naturellement, le pape régnant ne peut voir d'un très bon œil le pape futur. » Monsignor et Nanny s'égaya un instant en toute franchise. « Oh, le cardinal s'est fâché et raccommodé 3 ou 4 fois avec le Vatican. Et en tout cas, le Saint-Père n'a pas à montrer de jalousie posthume. Il sait qu'il peut faire un très bon accueil à son éminence. » Puis, il regretta d'avoir exprimé ainsi une certitude. Il se reprit. « Je plaisante. Son éminence est tout à fait digne de la haute fortune qu'il attend peut-être. » Mais Pierre était fixé. Le cardinal Sanguinetti n'était certainement plus le candidat de Monsignore Nanni. Sans doute le trouvait-il trop usé par son ambition impatiente, trop dangereux aussi par les alliances équivoques qu'il avait conclues, dans sa fièvre, avec tous les mondes, même avec la jeune Italie patriote. Et la situation s'éclairait. Le cardinal Sanguinetti et le cardinal Boccanera s'entre-dévoraient, se supprimaient l'un l'autre, l'un sans cesse en intrigue, ne reculant devant aucun compromis, rêvant de reconquérir Rome par la voie des élections. L'autre, immobile et debout dans son intransigeance, excommuniant le siècle, attendant de Dieu seul le miracle qui devait sauver l'Église. Pourquoi ne pas laisser les deux théories, ainsi mises face à face, se détruire avec ce qu'elles avaient d'extrême et d'inquiétant? Si Boccanera avait échappé au poison, il n'en était pas moins atteint par la tragique aventure, désormais impossible comme candidat, tué sous les histoires dont bourdonnait Rome entière. Et si Sanguinetti pouvait se croire enfin débarrassé d'un rival, il n'avait pas vu qu'il se frappait lui-même, qu'il tuait également sa candidature, en la brûlant dans une telle passion du pouvoir, si peu scrupuleuse des moyens, menaçante pour tous. Monsignore Nanni en était visiblement enchanté. Ni l'un ni l'autre, la place nette, l'histoire de ces deux loups légendaires qui s'étaient battus et mangés sans qu'on retrouvât rien, pas même les deux queues. Et au fond de ses yeux pâles, en toute sa personne discrète, il n'y avait plus qu'un inconnu redoutable, le candidat choisi définitivement, patronné par la toute-puissante armée dont il était un des chefs les plus adroits. Un tel homme ne se désintéressait jamais, avait toujours la solution prête. Qui donc? Qui donc allait être le pape de demain? Il s'était levé, il prenait cordialement congé du jeune prêtre. « Mon cher fils, je doute de vous revoir. Je vous souhaite un bon voyage. » Pourtant, il ne s'éloignait pas. Il continuait à regarder Pierre de son air de pénétration vive. Et il le fit se rasseoir. Il reprit lui-même un siège. « Dites, vous irez sûrement, dès votre retour en France, saluer le cardinal Bergerot. Veuillez donc me rappeler respectueusement à son souvenir. Je l'ai connu un peu lors de son voyage ici pour le chapeau. C'est une des plus grandes lumières du clergé français. Ah, si une telle intelligence voulait travailler à la bonne entente dans notre Sainte Église. Malheureusement, je crains bien qu'il n'ait des préventions de race et de milieu. Il ne nous aide pas toujours. » Surpris de l'entendre parler ainsi du cardinal pour la première fois à cette minute dernière, Pierre l'écoutait avec curiosité. Puis il ne se gêna plus, il répondit en toute franchise. « Oui, son éminence a des idées très arrêtées sur notre vieille église de France. Ainsi, il professe une véritable horreur des jésuites. » D'une légère exclamation, Monsignor Renani l'arrêta. Et il avait un air le plus sincèrement étonné, le plus franc qu'on pût voir. « Comment, l'horreur des jésuites? En quoi les jésuites peuvent-ils l'inquiéter? Il n'y en a plus. C'est de l'histoire finie, les jésuites. Est-ce que vous en avez vu à Rome? Est-ce qu'ils vous ont gêné en rien, ces pauvres jésuites, qui n'y possèdent même plus une pierre pour reposer leur tête? Oh non! Pluton n'agite pas davantage cet épouvantail, c'est enfantin. » Pierre le regardait à son tour, émerveillé de son aisance, de son audace tranquille sur ce sujet brûlant. Il ne détournait pas les yeux, laissait sa face ouverte comme un livre de vérité. Ah, si par jésuite vous entendez les prêtres sages, qui, au lieu d'engager avec les sociétés modernes des luttes stériles dangereuses, s'efforcent de les ramener humainement à l'Église, mon Dieu, nous sommes tous plus ou moins des jésuites, car il serait fou de ne pas tenir compte de l'époque où l'on vit. Oh, d'ailleurs, je ne m'arrête pas aux mots, peu m'importe. Des jésuites, oui, si vous voulez, des jésuites. Il souriait de nouveau, de son joli sourire si fin, où il y avait tant de moquerie et tant d'intelligence. « Eh bien, quand vous verrez le cardinal Bergerot, dites-lui qu'il est déraisonnable en France de traquer les jésuites, de les traiter en ennemis de la nation. C'est tout le contraire qui est la vérité. Les jésuites sont pour la France, parce qu'ils sont pour la richesse, pour la force et le courage. » La France est la seule grande nation catholique restée debout, souveraine encore, la seule sur laquelle la papauté puisse un jour s'appuyer solidement. Aussi, le Saint-Père, après avoir rêvé un instant d'obtenir cet appui de l'Allemagne victorieuse, a-t-il fait alliance avec la France, la vaincue de la veille, en comprenant qu'il n'y avait pas en dehors d'elle de salut pour l'Église. Et il n'a obéi en cela qu'à la politique des jésuites, de ces affreux jésuites que votre Paris exècre. Dites bien en outre au cardinal Bergerot qu'il serait beau à lui de travailler à l'apaisement, en faisant comprendre combien votre République a tort de ne pas aider davantage le Saint-Père dans son œuvre de conciliation. Elle affecte de le considérer en quantité négligeable, Et c'est là une faute dangereuse pour des gouvernants, car s'il paraît dépouillé de toute action politique, il n'en est pas moins une immense force morale qui peut, à chaque heure, soulever les consciences, déterminer des agitations religieuses d'une incalculable portée. C'est toujours lui qui dispose des peuples, puisqu'il dispose des âmes. Et la République agit avec une légèreté bien grande, dans son intérêt même, en montrant qu'elle ne s'en doute pas. Et dites-lui enfin que c'est une vraie pitié de voir la misérable façon dont cette République choisit ses évêques, comme si elle voulait affaiblir volontairement son épiscopat. À part quelques exceptions heureuses, vos évêques sont de bien pauvres cervelles, et par conséquent vos cardinaux, têtes médiocres, n'ont ici aucune influence, ne jouent aucun rôle. Lorsque le prochain conclave va s'ouvrir, quelle triste figure vous y ferez! Pourquoi dès lors traitez-vous avec une haine si sotte et si aveugle ces jésuites qui sont politiquement vos amis? Pourquoi n'employez-vous pas leur zèle intelligent, prêt à vous servir, de manière à vous assurer l'aide du pape de demain? Il vous le faut à vous et pour vous. Il faut qu'il continue chez vous l'œuvre de Léon XIII, cette œuvre si mal jugée, si combattue, qui se soucie peu des petits résultats d'aujourd'hui, qui travaille surtout à l'avenir, à l'unité de tous les peuples en leur sainte mère d'Église. Dites-le, dites-le bien au cardinal Bergerot, qu'il soit avec nous, qu'il travaille pour son pays en travaillant pour nous, le pape de demain. Mais toute la question est là. Malheur à la France si elle ne trouve pas un continuateur de Léon XIII dans le pape de demain. Il s'était levé de nouveau, et cette fois il partait. Jamais il ne s'était épanché de la sorte si longuement. Mais il n'avait sûrement dit que ce qu'il voulait dire, dans un but qu'il connaissait seul, avec une lenteur, une douceur ferme, où l'on sentait chaque parole mûrie, pesée à l'avance. « Adieu, mon cher fils, et encore une fois, réfléchissez à tout ce que vous aurez vu et entendu à Rome. Soyez bien sage, ne gâtez pas votre vie. » Pierre s'inclina, serra la petite main grasse et souple que le prélat lui tendait. « Monseigneur, je vous remercie encore de vos bontés, et soyez convaincu que je n'oublierai rien de mon voyage. » Il le regarda disparaître, dans sa soutane fine, de son pas léger et conquérant, qui croyait aller à toutes les victoires de l'avenir. Non, non, il n'oublierait rien de son voyage. Il la connaissait, cette unité de tous les peuples en leur sainte mère l'Église, ce servage temporel, où la loi du Christ deviendrait la dictature d'Auguste, maître du monde. Et ces jésuites, ils ne doutaient pas qu'ils n'aimassent la France, la fille aînée de l'Église, la seule qui pût aider encore sa mère à reconquérir la royauté universelle. Mais ils l'aimaient, comme les vols noirs de sauterelles aiment les moissons sur lesquels ils s'abattent et qu'ils dévorent. Une infinie tristesse lui était revenue au cœur, en ayant la sourde sensation que dans ce vieux palais foudroyé, dans ce deuil et dans cet écroulement, c'était eux, eux encore, qui devaient être les artisans de la douleur et du désastre. Justement, s'étant retourné, il aperçut Don Virgilio, adossé à la crédence, devant le grand portrait du cardinal, la face entre les mains, comme s'il eût voulu s'anéantir, disparaître à jamais et grelottant de tous ses membres, autant de peur que de fièvre. Dans un moment où aucun visiteur n'apparaissait plus, il venait de succomber à une crise de désespoir terrifié. Il s'abandonnait. « Mon Dieu, que vous arrive-t-il ? » demanda Pierre en s'avançant. « Êtes-vous malade ? Puis-je vous secourir ? » Mais Don Vigilio se bouchait les yeux, suffoquait, bégayait entre ses mains serrées. Et il ne lâcha que son cri étouffé d'épouvante. « Ah ! Paparelli ! Paparelli ! Quoi ? Que vous a-t-il fait ? » demanda le prêtre étonné. Alors, le secrétaire dégagea son visage, céda encore au besoin frissonnant de se confier à quelqu'un. « Comment, ce qu'il m'a fait ? Vous ne sentez donc rien ? Vous ne voyez donc rien ? Avez-vous remarqué la façon dont il s'est emparé du cardinal Sanguinetti pour le mener à son éminence ? Imposé ce rival soupçonné, exécré à son éminence, en un moment pareil ? Quelle insolente audace ! Et quelques minutes auparavant, avez-vous constaté avec quelle sournoisie méchante il a éconduit une vieille dame, une très ancienne amie, qui demandait seulement à baiser les mains de son éminence ? Un peu de vraie tendresse dont son éminence aurait été si heureuse. Je vous dis qu'il est le maître ici, qu'il ouvre ou qu'il ferme la porte à son gré, qu'il nous tient tous entre ses doigts, comme la pincée de poussière qu'on jette au vent. » Pierre s'inquiéta de le voir si frémissant et si jaune. « Voyons, voyons, mon cher, vous exagérez. » « J'exagère. Savez-vous ce qui s'est passé cette nuit ? La scène à laquelle j'ai assisté, malgré moi ? Non, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais vous la dire. » Il conta que Donna Serafina, lorsqu'elle était rentrée la veille, pour tomber dans l'effroyable catastrophe qui l'attendait, revenait déjà l'âme ulcérée, toute brisée des mauvaises nouvelles qu'elle avait apprises. Au Vatican, chez le cardinal secrétaire, puis chez des prélats de sa connaissance, elle avait acquis la certitude que la situation de son frère périclitait singulièrement, qu'il s'était créé des ennemis de plus en plus nombreux dans le sacré collège, à ce point que son élection au trône pontifical, probable l'année précédente, semblait désormais être devenue impossible. Tout d'un coup, le rêve de sa vie croulait. L'ambition qu'elle avait nourrie toujours gisait en poudre à ses pieds. Comment ? Pourquoi ? Elle s'était désespérément enquise des motifs, et elle avait su toutes sortes de fautes, des rudesses du cardinal, des manifestations inopportunes, des gens blessés par un mot, par un acte, une attitude enfin si provocante qu'on leur est dite prise volontairement pour gâter les choses. Le pis était que dans chacune de ses fautes, elle avait reconnu des maladresses, blâmées, déconseillées par elle, et que son frère s'était obstiné à commettre sous l'influence inavouée de l'abbé Paparelli, ce caudataire si humble, si infime, en qui elle sentait une puissance néfaste, un destructeur de sa propre influence, si vigilante et si dévouée. Aussi, malgré le deuil où était la maison, n'avait-elle pas voulu retarder l'exécution du traître, d'autant plus que l'ancienne camaraderie avec le terrible Santobono, l'histoire du panier de figues qui avait passé des mains de celui-ci dans les mains de celui-là, la glaçait d'un soupçon qu'elle évitait même d'éclaircir. Mais dès les premiers mots, dès sa demande formelle de jeter le traître à la porte, sur l'heure, elle avait trouvé chez son frère une résistance brusque, invincible. Il n'avait pas voulu l'entendre, il s'était fâché. Une de ces colères d'ouragan dont la violence balayait tout, disant que c'était très mal à elle de s'en prendre à un saint homme si modeste, si pieux, l'accusant de faire là le jeu de ses ennemis, qui, après lui avoir tué Monsignor Egallo, cherchait à empoisonner son affection dernière pour ce pauvre prêtre sans importance. Il traitait toutes ces histoires d'abominables inventions. Il jurait de le garder, rien que pour montrer son dédain de la calomnie. Et elle avait dû se taire. Dans un retour de son frisson, Don Vigilio s'était de nouveau couvert le visage de ses deux mains. Paparelli, Paparelli. Et il bégayait de sourdes invectives. Le louche hypocrite de modestie et d'humilité, le vil espion chargé au palais de tout voir, de tout écouter, de tout pervertir, l'insecte immonde et destructeur maître des plus nobles proies, dévorant la crinière du lion, le jésuite valet et tyran, dans son horreur basse, dans sa besogne de vermine triomphante. « Calmez-vous, calmez-vous !» répétait Pierre, qui, tout en faisant la part de l'exagération folle, était envahi lui-même par ce frisson de l'inconnu redoutable, des choses menaçantes et vagues qu'il sentait s'agiter réellement au fond de l'ombre. Mais Don Vigilio, depuis qu'il avait failli manger des terribles figues, depuis que la foudre était tombée près de lui, en avait gardé ce tremblement, cet effroi éperdu que rien ne pouvait plus calmer. Même seul, la nuit, couché, la porte verrouillée, des terreurs le prenaient, le faisaient se cacher sous le drap, en étouffant des cris, comme si des hommes allaient entrer par le mur pour l'étrangler. Il reprit, essoufflé, d'une voix défaillante, ainsi qu'au sortir d'une lutte. « Je le disais bien, le soir où nous avons causé dans votre chambre, enfermé pourtant à triple tour. J'avais tort de vous parler librement d'eux, de me soulager le cœur, en vous racontant tout ce dont ils sont capables. J'étais certain qu'ils le sauraient, et vous voyez qu'ils l'ont su, puisqu'ils ont voulu me tuer. » « Tenez, en ce moment même, j'ai tort de vous dire cela, parce qu'ils vont le savoir, et que cette fois, ils ne me manqueront pas. Ah, c'est fini, je suis mort. Cette noble maison, que je croyais si sûre, sera mon tombeau. » Une pitié profonde prenait Pierre pour ce malade. Ce cerveau de fiévreux, hanté de cauchemars, achevant de gâter sa vie manquée, dans les angoisses de la terreur persécutrice. Mais il faut fuir, ne restez pas ici, venez en France, allez n'importe où. Stupéfait, Don Vigilio le regarda, se calma un instant. Fuir? Pourquoi faire? En France, ils y sont, n'importe où ils y sont, ils sont partout. J'aurais beau fuir, je serai quand même avec eux, chez eux. « Non, non, je préfère rester ici. Autant mourir ici tout de suite, si son éminence ne peut plus me défendre. » Il avait levé sur le grand portrait de cérémonie, où le cardinal resplendissait dans sa soutane de moire rouge, un regard d'infinie supplication, où s'efforçait de luire encore un espoir. Mais la crise revint, l'agita, le submergea, dans un redoublement furieux de sa fièvre. « Laissez-moi, laissez-moi, je vous en prie, ne me faites pas causer davantage. Ah, Paparelli, Paparelli, s'il revenait, s'il nous voyait, s'il m'entendait parler. Jamais plus je ne parlerai, je m'attacherai la langue, je me la couperai. Laissez-moi donc, je vous dis que vous me tuez, qu'il va revenir et que c'est ma mort. Allez-vous-en. « Oh, de grâce, allez-vous-en !» Et Don Vigilio se tourna contre le mur, comme pour s'y écraser la face, s'y murer la bouche d'un silence de tombe. Et Pierre se décida à l'abandonner, craignant de provoquer un accès plus grave s'il s'entêtait à le secourir. Dans la salle du trône, où il rentra, Pierre se retrouva au milieu du deuil affreux de la maison, irréparable. Une autre messe y succédait à l'autre, des messes toujours, dont les prières balbutiées montaient sans fin implorer la miséricorde divine pour qu'elle accueillît avec bienveillance les deux chères âmes envolées. Et dans l'odeur mourante des roses qui se fanaient, devant les deux étoiles pâlies des cierges, il songea à cet écroulement suprême des Boccanera. Dario était le dernier du nom. Avec lui, les Boccanera si vivace, dont le nom avait empli l'histoire, disparaissait. On comprenait l'amour du cardinal, chez qui l'orgueil du nom restait l'unique péché. Pour ce frêle garçon, la fin de la race, le seul rejeton par lequel la vieille souche put reverdir. Et si lui, si Donna Serafina avait voulu le divorce, puis le mariage, c'était, plus que le désir de faire cesser le scandale, l'espérance de voir naître des deux beaux enfants une lignée nouvelle et forte, puisque le cousin et la cousine s'obstinaient à ne pas se marier si on ne les donnait pas l'un à l'autre. Maintenant, avec eux là, sur ce lit de parade, dans leur mortelle étreinte inféconde, gisait la dépouille dernière. Les pauvres restes d'une si longue suite de princes éclatants, prélats et capitaines, que la tombe allait boire. C'était fini. Rien ne naîtrait d'une vieille fille qui n'était plus femme, d'un vieux prêtre qui avait cessé d'être un homme. Tous deux demeuraient face à face, stériles, tels que deux chênes restés seuls debout de l'ancienne forêt disparue, et dont la mort laisserait bientôt la plaine absolument rase. Et quelle douleur impuissante de survivre! Quelle détresse de se dire qu'on est la fin de tout, qu'on emporte toute la vie, tout l'espoir du lendemain. Dans le balbutiement des messes, dans l'odeur défaillante des roses, dans la pâleur des deux cierges, Pierre sentait à présent l'effondrement de ce deuil, la pesanteur de la pierre qui retombait à jamais sur une famille éteinte, sur un monde anéanti. Il comprit qu'il devait, comme familier de la maison, saluer Donna Serafina et le cardinal. Tout de suite, il se fit introduire dans la chambre voisine où la princesse recevait. Il la trouva, vêtue de noir, très mince, très droite, assise sur un fauteuil, d'où elle se levait un instant avec une dignité lente pour répondre au salut de chacune des personnes qui entraient. Et elle écoutait les condoléances. Elle ne répondait pas une parole, l'air rigide, victorieux de la douleur physique. Mais lui, qui avait appris à la connaître, devinait au creusement des traits, aux yeux vides, à la bouche amère, l'effroyable désastre intérieur, tout ce qui s'était écroulé en elle, sans espoir de réparation possible. Non seulement la race était finie, mais encore son frère ne serait jamais pape, le pape qu'elle avait si longtemps cru faire par son dévouement, son renoncement de femme, qui donnait son cerveau et son cœur à ce rêve, ses soins, sa fortune, sa vie manquée d'épouse et de mère. Au milieu de tant de ruines, c'était peut-être de cette ambition déçue qu'elle saignait davantage. Elle se leva pour le jeune prêtre, son hôte, comme elle se levait pour les autres personnes. Mais elle arrivait à mettre des nuances dans la façon dont elle quittait son siège. Il sentit très bien qu'il était resté à ses yeux le petit prêtre français, l'infime serviteur attardé dans la domesticité de Dieu, du moment qu'il n'avait pas même su s'élever au titre de prélat. Un moment, lorsqu'elle se fut assise de nouveau, après avoir accueilli son compliment d'une légère inclinaison de tête, il demeura debout par politesse. Aucun bruit, pas un mot, ne troublait la paix morne de la pièce. Quatre ou cinq dames, des visiteuses, étaient cependant là, assises, elles aussi, dans une immobilité désolée et muette. Mais ce qui frappa le plus, ce fut d'apercevoir le cardinal Sarno, un des vieux amis de la maison, avec son corps chétif, son épaule gauche plus haute que la droite, affaissé, presque couché au fond d'un fauteuil, les paupières closes. Il s'y était d'abord oublié, après les condoléances qu'il apportait, puis il venait de s'y endormir, envahi par le silence lourd, par la tiédeur étouffante de l'air, et tout le monde respectait son sommeil. Rêvait-il, en son assoupissement, à cette carte de la chrétienté entière qu'il avait dans son crâne bas, d'expression obtuse? Continuait-il, en son rêve, derrière son masque blêmi de vieux fonctionnaire, hébété par un demi-siècle de bureaucratie étroite, sa terrible besogne de conquête, la terre soumise et gouvernée, au fond de son cabinet sombre de la propagande? Des regards de dames attendries et déférentes se fixaient sur lui. On le grondait parfois doucement de trop travailler. On voyait l'excès de son génie et de son zèle dans ses somnolences qui le prenaient partout depuis quelque temps. Et Pierre ne devait emporter de cette éminence toute puissante que cette dernière image, un vieillard épuisé, se reposant dans l'émotion d'un deuil, dormant là, comme un vieil enfant candide, sans qu'on pût savoir si c'était l'imbécilité commençante ou la fatigue d'une nuit passée à faire régner Dieu sur quelque continent lointain. Deux dames partirent, trois autres arrivèrent. Donna Serafina s'était levée de son siège, avait salué, puis avait repris son attitude rigide, le buste droit, le visage dur et désespéré. Le cardinal Sarno dormait toujours. Alors, Pierre suffoqua, pris d'une sorte de vertige, le cœur battant à grands coups. Il s'inclina et sortit. Puis, comme il passait dans la salle à manger, pour se rendre au petit cabinet de travail où le cardinal Boccanera recevait, il se trouva en présence de l'abbé Paparelli, qui gardait la porte jalousement. Quand le caudataire l'eut flairé, il sembla comprendre qu'il ne pouvait lui refuser le passage. D'ailleurs, puisque cet intrus repartait le lendemain, battu et honteux, on n'avait rien à en craindre. « Vous désirez voir son éminence ? Bon, bon, tout à l'heure, attendez. » Et jugeant qu'il avançait trop près de la porte, il le repoussa à l'autre bout de la pièce, dans la crainte sans doute qu'il ne surprit un mot. Son éminence est encore enfermée avec son éminence le cardinal Sanguinetti. Attendez, attendez là. En effet, Sanguinetti avait affecté de rester très longtemps à genoux, devant les deux corps dans la salle du trône. Puis, il venait aussi de prolonger sa visite à Donna Serafina, pour bien marquer quelle part il prenait à la désolation de la famille. Et il était, depuis plus de 10 minutes, avec le cardinal, sans qu'on entendît autre chose, par moments, au travers de la porte, que le murmure de leurs deux voix. Mais Pierre, en retrouvant là Paparelli, fut hanté de nouveau par tout ce que Don Vigilio lui avait conté. Il le regardait, si gros, si court, ballonné d'une mauvaise graisse, avec sa face molle que déformaient les rides, pareil, à 40 ans, dans sa soutane malpropre, à une très vieille fille, dont le célibat aurait fait une outre à demi détendue. Et il s'étonnait. Comment le cardinal Boccanera, ce prince superbe, qui portait si haut la tête, dans la fierté indestructible de son nom, avait-il pu se laisser envahir et dominer par un tel être, si cruellement affreux, suant à ce point la bassesse et le dégoût? N'était-ce pas justement cette déchéance physique de la créature, cette profonde humilité morale qui l'avait frappé, troublé d'abord, puis séduit, comme des dons extraordinaires de salut qui lui manquaient? Cela souffletait sa propre beauté, son propre orgueil. Lui qui ne pouvait être déformé ainsi, qui ne parvenait pas à vaincre son désir de gloire, devait en être arrivé, par un effort de sa foi, à jalouser cet infiniment laid et cet infiniment petit, à l'admirer, à le subir comme une force supérieure de pénitence, de ravalement humain, ouvrant toutes grandes les portes du ciel. qui dira jamais l'ascendant que le monstre a sur le héros, que le sein couvert de vermine, devenu un objet d'horreur, prend sur les puissants de ce monde, dans leur épouvante de payer leur joie terrestre des flammes éternelles. Et c'était bien le lion mangé par l'insecte, tant de force et d'éclat détruit par l'invisible. Ah, être comme cette belle âme, si certaine du paradis, enfermée pour son bien dans ce corps immonde, avoir la bienheureuse humilité de cette intelligence, de ce théologien remarquable qui se battait de verge tous les matins et qui consentait à n'être que le plus infime des domestiques. Debout, tassé dans sa graisse livide, l'abbé Paparelli surveillait Pierre de ses petits yeux gris, clignotant au milieu des mille plis de sa face. Et celui-ci commençait à être pris de malaise en se demandant ce que les deux éminences pouvaient bien se dire enfermées si longtemps ensemble. Quelle entrevue encore que celle de ces deux hommes, si Boccanera soupçonnait, chez Sanguinetti, l'évêque qui avait Santo Bono dans sa clientèle. Quelle sérénité d'audace chez l'un d'avoir osé se présenter, et quelle force d'âme chez l'autre, quel empire sur soi-même, au nom de la sainte religion, d'éviter le scandale, en se taisant, en acceptant la visite comme une simple marque d'estime et d'affection. Mais que pouvait-il bien se dire? Combien cela aurait été passionnant de les voir en face l'un de l'autre, de les entendre échanger les paroles diplomatiques qui convenaient à une pareille entrevue, tandis que leurs âmes grondaient de furieuses haines. Brusquement, la porte se rouvrit. Le cardinal Sanguinetti reparut, la face calme, pas plus rouge qu'à l'habitude, décolorée même un peu, et gardant la plus juste mesure dans la tristesse qu'il jugeait bon de montrer. Seuls ses yeux turbulents qui viraient toujours décelaient sa joie d'être débarrassé d'une corvée fort lourde en somme. Il s'en allait, dans son espoir, comme l'unique pape désormais possible. L'abbé Paparelli s'était précipité. « Si son éminence veut bien me suivre, je vais reconduire son éminence. » Et se tournant vers Pierre, « Vous pouvez entrer maintenant. » Pierre les regarda disparaître, l'un si humble, derrière l'autre si triomphant. Puis il entra, et tout de suite, au milieu du cabinet de travail, étroit, meublé d'une simple table et de trois chaises, il aperçut le cardinal Boccanera, debout encore, dans l'attitude haute et noble qu'il avait prise pour saluer Sanguinetti, le rival au trône, redouté, exécré. Et visiblement, dans son espoir, Boccanera se croyait aussi le seul pape possible, celui que devait élire le conclave de demain.